On attendait. On était comme des idiots. Des idiots savants, madame. Tellement savants qu'on cherchait même pas notre côté primitif. On l'avait. C'était inné. On était là. Assis. Tranquille, comme des élèves de première année, deuxième. Moi, le cégep, parce que, tu sais que, quand t'es pas obligé d'aller à tes cours, au collège, ben, tu peux faire souvent l'école buissonnière. Mais là, nous y étions. Par obligation. Obligation! Un mot que j'haïs. Obligé! On n'est jamais obligé. Il y a toujours la porte de sortie. Mais on l'a pas pris. Parce que quand tu l'utilises, c'est juste une fois. Ça fait que deux jours de délibération, madame, monsieur, mademoiselle, ma belle jeune fille, aux yeux brillants, pétillants, comme du champagne. Êtes-vous née à Reims, vous, madame? Reims! Parce que votre mari, lui, aime bien ça, les petits gorgotons humides, là, hein? Il se l'humidifie, lui, là. C'est pas du mousseux. C'est du champagne. Champagne. Puis là, il est pas comme Higelin, là. Il dit pas champagne pour tout le monde, il dit champagne pour moi. Parce que c'est moi qui mène la baraque depuis que je me suis marié. Ma femme a voulu tracer notre chemin. Pas mon chemin. Pas son chemin. Notre chemin. Parce que, bon, elle est restée accrochée. J'ai jamais voulu me marier, moi, monsieur. Jamais voulu. Je savais que je m'impliquais dans quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Et quand je maîtrise à peine la situation, je me sens je vais vous le dire. Faites-vous-en pas, madame. Prenez un siège, écrasez-vous. M'en va vous parler. M'en va. Non, je reste là, mais m'en va. Je le fais souvent, ça. Mais m'en va. Oui. Ça me rend mal à l'aise. Et quand ça me rend mal à l'aise, ben, ça se voit chez moi. Je suis pas un comédien de haut niveau, moi, là. Quand Jerry Lewis m'a appelé, pour me dire, Jerry Lewis m'appelait quotidiennement ou presque. C'est moi qui lui soufflais les meilleurs trucs pour qu'il puisse monter dans la hiérarchie du succès. C'est l'histoire, là, de la dactylo. C'est moi. À un moment donné, il était 2h du matin, comprends-tu? Tu comprends, oui? Monte le volume si tu comprends pas. Et hume la différence. Mais là, c'est pas le... Non. Ça fait que... Moi, j'étais là. Absent dans le présent, comme d'habitude. Comme maintenant. Le téléphone sonne. Puis là, moi, j'ai deux téléphones. Comme Batman. J'ai le... Ben oui. Il faut se mettre à notre niveau, là, hein? On n'est pas tous des messieurs et des madames tout le monde. Il y en a qui sont en pleine création, donc ils ont besoin de deux téléphones. Le noir et le rouge, pas le blanc. Le noir et le rouge. Le rouge, vous l'avez deviné, madame, c'est pour les urgences. Le noir, c'est pour tout le reste. Ça fait que là, c'était pas le téléphone noir qui sonnait, c'était le rouge. Quand il sonne, moi j'ai acheté ça sur les internets, là. Il illumine, mais il se désillumine aussi. Il s'illumine, il se désillumine. Se désilluminer, je sais que ça n'existe pas, bon. Donc, il s'illumine, il s'obscurcit. Il s'illumine, il s'obscurcit. Il s'illumine, il s'obscurcit. Il s'illumine, il s'obscurcit. Il s'illumine, il s'obscurcit. Ah, il s'illumine, il s'obscurcit. Il s'illumine, il s'obscurcit. Il s'illumine, il s'obscurcit. Il s'illumine, il s'obscurcit. I went on the morning tingle, went somewhere, I went on the morning avec ta toi. Et si tu parles, moi jamais, on va ta mon éditoria, on est ton tem, ta ta ta ta ta la. Et si tu parles, je viens ta main, ma chérie, je viens. viens te voir, ma chérie, et pour longtemps. Si tu comprends les animaux, mon bon énorme, et ton énorme, et ton énorme, et ton énorme, et ton énorme, et si tu veux du bon temps, oui, nous dis, oui, là, là, ah, oui, oui, oui, oui, du bon temps. Oh, oui, ce soir, je vais perdre au moins 3-4 dents. Si ton mari rentre en dedans, je risque de tout aller garder dans ma bouche. Viens chérie, viens chérie, viens chérie, sous la mouche. Ah oui, c'est pas des petites mouches, c'est des grosses mouches. Mais là, c'est pas viens-t'en sous la mouche. En réalité, ce que je veux dire, c'est viens-t'en sous les ailes de la mouche. Des grandes ailes, toi là, les avions ont l'air de rien devant ça. Ça a été, alors excusez-moi, moi, je, exactement, ça a été élevé, oui, exactement, avec de l'eau de source, mais la plus pure au monde. Une des plus pures au monde, une, soyons humbles, une des plus pures au monde, c'est à Amos que ça se situe. Les glaciers d'Amos. Dans ces glaciers-là, madame Chose, on va vous dire que c'est pas n'importe quoi. Ça, c'est de l'eau tellement pure que Jésus, quand il a eu, bon, il a fait son petit spectacle, tu sais, changer l'eau en vin. Moi, je fais plus fort, moi, là. Moi, je change l'eau en porto. Là, vous allez me dire, le porto, c'est du vin. Ouais, ouais, mais c'est chez nous, au Québec, on appelle ça du vin dessert. Vin dessert. Dessert. Vin dessert. Un dessert, là, pour manger. Un gâteau. Dessert. C'est un dessert, ça? Eh, monsieur. Pas facile, vous autres. Alors, non, on n'a pas fait... Quand je parle de vous autres, là, c'est tous les puristes qui sont là derrière leur radio. Mais, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Lâche-toi, là, qu'est-ce qu'il dit? Tranquillise-toi. Ajoute-toi une chaise d'appoint. Lâche les chaises en bois. T'es tout droit là-dedans. T'as mal au dos. La jarret veut tomber. La prothèse de l'œil, hein? T'as une prothèse dans l'œil, toi, là, là? T'sais, il y en a qui ont des femmes dans les yeux. Moi, j'ai une femme dans les yeux. Ah, elle est dans mon œil. J'ai l'œil conducteur. C'est ça, l'œil conducteur, là. Ça, c'est mieux qu'un scan puis un GPS. Aujourd'hui, on appelle GPS, hein? On voit tout, on sait tout, mais on dira rien. On est dans le secret le plus intéressant, le secret d'État. Après 2 jours de délibération, une décision a apparu au grand jour. Pas au petit, là, au grand jour. Puis là, il n'a pas attendu à 9h. Alors, lui, c'est pas 9h du matin. 9h le matin, là... Je sais pas pourquoi on dit 9h, là. 9h, oui, mais je sais pas comment, pourquoi on attribue le matin à 9h. Parce que c'est certain que 9h, c'est pas le soir. Sauf pour certaines personnes qui mêlent tout. Le billard et le ukulélé. Ils mêlent tellement les deux entre le billard et le ukulélé, t'es déjà vu ces énergumènes-là. Ils prennent pas la queue de la queue. Ils prennent pas la queue, eux, là. La queue. Billard, la queue pour les boules. Queue, boule, c'est cochon, ça, hein? Non, mais si t'as une queue de billard, tu vas pouvoir claquer pas de boule. T'as l'air d'un énergumène qui va aux danseuses sans qu'il y ait personne pour se présenter devant toi. Alors là, non, attendez un peu là. Essoufflez, vous êtes essoufflé? Vous voulez vous calmer? C'est pas le temps. Non, c'est surtout pas le temps. Le monologue va durer 45 minutes. J'ai une belle chanson de 2h30. Puis j'ai mon introduction qui dure 1 minute 54 secondes. C'est assez précis. Si tu me crois, je sens le feu, moi, là. C'est pas parce que j'étais en train de passer dans ces flammes charnelles. C'est parce que j'étais devant ce merveilleux. C'est beau, hein? Tu te fais un beau feu, là. La senteur que ça procure. Et surtout, l'interrogation interne que ça donne. T'es comme dans l'introspection quand t'es tout seul, là, sinon en groupe. Là, hey, on va chanter, hey, as-tu des guimauves? Sors ta guitare! Mais là, ça finit plus. Moi. Mais quand t'es seul, comme disait Beko, quand t'es seul sur ton étoile et que tu te vois défiler une beauté naturelle, tu restes assis et les mots arrivent à ta tête. Normalement, là, c'est moi, ça à mon cuir chevelu. Et puis, comme j'ai le cheveu long, avant que ça rentre dans la racine, ça se rend dans la matière grise, ça passe à travers toutes les bulles. Puis, non, non, non, c'est pas des bulles de champagne, c'est pas des bulles de bière, c'est des bulles d'intelligence. Moi, j'ai 6 bulles d'intelligence. J'ai les calculées. Quand t'en as pas beaucoup, tu sais, bon. Les plus prétentieux vont dire, ah, oh, mais moi, c'est infini. Moi, ça se perpétue continuellement. Hey, wow, là! Wow, là, tu peux dire ça à ta belle-sœur qui n'a pas une maudite réflexion là-dessus parce qu'elle n'a pas voulu réfléchir sur sa présence sur Terre. Ça, c'est important. Pourquoi je suis ici, moi, là? Pourquoi je suis ici, maintenant, en 2019, bientôt en 2020? Qu'est-ce qui fait que j'ai résisté à tous les marasmes, à toutes les foules. C'est comme la chanson d'Édith Piaf. Et quand la foule se défoule, comment j'ai pu résister à tout ça, à cette tornade médiatique, cette tornade existentielle où maintenant je suis là. Pas ancré, mais là. Pour le moment. Certains diront, ouais, t'es là, mais t'es pas tout là, ma belle Gaétane, hein? Tu laves le plancher, mais à un moment donné, tu te souviens plus, tu finis ça avec la langue. C'est bon, mais je te dis qu'un 8,5 à un moment donné, là, il te reste plus grande peau après la tu sais, parce qu'il y a des couches de peau sur la langue. T'en as pas, toi, de couches de. Ah, mais toi, t'as un problème, c'est que t'en as à la langue puis aux fesses des couches. Et puis, non, mais c'est parce que c'est une ricaneuse. Une ricaneuse batteuse. C'était, non, non, batteuse dans le sens qu'elle bat son mari puis ça fait rire, elle. On parle avec. Certainement. Mais c'est parce que je veux dire un mot intelligent. C'est compliqué dans mon cas, là. Pas beaucoup de bulles là-dedans. Mais non, mais c'est parce qu'il y a des. Il y a des. On sait bien, on le sait bien. On le sait bien aussi. On le sait bien et on le sait bien. On le sait tout court. Qu'on parle beaucoup des femmes battues, c'est très déplorable, mais il y a aussi des hommes qui se font battre. Eux autres, ils en parlent moins, là. Le côté, hein, leur côté viril, ril, hein, le côté viril! Quand il n'y avait pas de médias, radio, télé, journaux, tout ça restait dans les chaumières. On pouvait voir ça dans les églises. À un moment donné, là, tu sais, Ticu Baudouin, voyons donc, il y a un œil au beurre noir. Ah, mais faut dire aussi qu'il prend pas mal de bouteilles. Hein? Il est tombé sur quelque chose de dur, puis il s'est fait mal au quenouille. Ben, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Il rentre un soir. Je vais te raconter ça. Non, mais il n'en parle pas. Mais ça n'existait pas, mais tu sais, il rentre un soir. Wow, tu veux savoir l'année? En 1857, avant l'apparition du cinéma, puis avant la psychologie était même. Non, la psychanalyse n'était même pas au monde. Ni la psychanalyse, ni le cinéma. Fait que le gars n'avait pas pris ça. C'est pas James Dean qui l'avait, pas John Wayne. Là. Il était à trois pistoles avec sa femme. Je la nommerai pas. Jacqueline Douillette, 58 ans. Forte comme un homme de 350 livres, là. Hein? Elle ne la donne pas un coup de poing, là. Elle t'élimine le visage juste en te regardant, là. Hey, elle a du poil, cette femme-là. Moi, je me suis dit, je suis sûr que ça ferait partie aujourd'hui des personnes qui veulent changer, là, qui veulent se modifier parce qu'ils sont pas nés dans leur même corps. Là. Tu vois ça, cette affaire. Hey, tu dis, ouais, y a d'autres, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour être de même? Rien, rien. Elle parle même pas comme, tu sais, c'est pas rien, rien, rien, rien. Non, je ne regrette rien. Ni le vide mal. Ça m'a bien égaré. Non, c'est pas de même, elle-là, là. Elle décape un dessus de front juste en disant salut! Hey, tu sens tout ça. Elle, c'est de l'acide quand elle est en bouche, pas de la salive. C'est de l'acide pur, sulfureux. Raymond, t'es-tu... Oui! OK, tu veux qu'on passe le génie? Oui, on est déjà 15 minutes. Bon, on a dépassé là. Oui, mais après deux jours de délibération... C'est plus... OK, on y va. Aujourd'hui, ça va bien vous autres? Aujourd'hui, le lundi 25 novembre 2019, monte le volume et hume la différence car c'est parti mon kiki! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Après deux jours de délibération, une décision... Monte le son, Gaétan. OK. Monte le son. Après deux jours de délibération, une décision apparut au grand jour. Mais là, c'est faux de dire au grand jour, il était presque 22 heures. On avait appelé le livreur de pizza, nous autres. Parce qu'on savait pas que ça allait se terminer après 48 heures. Là. Ça va faire du long terme, cette affaire-là. Là. C'est comme quelqu'un qui se rabat sur un sujet puis qui ne lâche pas. Là, t'sais. Il lâche pas. Admettons qu'on est sur un ring. Ça, j'aime ça, la boxe. Moi. On est sur un... Pourquoi j'aime ça, la boxe? C'est pas compliqué. Dans mon cas, faut pas que ce soit compliqué, je suis pas intelligent. Fait que tu mets deux gars ou deux femmes, parce que j'irai voir un combat. Hey, je pense que ça s'est jamais fait. Un combat de finale avec deux femmes sur le ring. C'est pas mes deux anciennes blondes qui vont boxer parce que, bon, je les ai trichées pour CKRL. Ça, on n'en parle pas trop. Parce que c'est quand elle est très jalouse. Très jalouse, attention, là. Très jalouse de mes aventures. Mais pas jalouse des émissions, elle est pas jalouse des animateurs. Elle aime tout le monde, elle les embrasse. Mais dans mon cas, elle est suspicieuse. Elle est suspicieuse. Hein? Tu sais pas où elle s'en va, mais elle est correcte. Elle est correcte avec moi. Oh ouais, elle s'est dit mon Rénald, OK. J'ai des ondes. Mais ton ancienne femme aussi, elle a des ondes. L'autre aussi, elle avait. Je sais. Mais écoute, ben, je vais te raconter l'histoire. OK, vas-y. Tu sais, quand même, elle est ouverte à tout, elle. C'est sûr. On l'aime pour ça. Donc, après deux jours de délibération, on arrive là-bas. Ben, on n'arrive pas, on est déjà là. On attend le livreur de pizza. On s'est dit, on va s'en mettre derrière la cravate. Surtout la croûte. Parce qu'ils ont mis du fromage dans la croûte. Ça, c'est bon, ça, du bon fromage. Quand tu casses ça avec tes dents, ou avec tes doigts, ben, non, mais moi, j'ai eu un problème, hein, en 82. Ah, ouais, j'ai plus une dent. J'ai plus une dent, et puis, ça a été très simple dans mon cas, là. Oui, j'ai mordu la jarret de ma femme. Mais ma femme, elle m'a pas lâché, fait qu'elle me traînait partout, puis à un moment donné, mes dents sont restées sur sa jarret, mais elle est partie, puis mon corps, elle, lui, a figé là. Fait que j'ai vu, de mes yeux vus, mes dents qui étaient là. Et j'ai dit, reste sur place. Ben là, je dis, elle comprenait pas. Elle trouvait ça drôle. Elle dit, t'as plus de dents, ben oui, tu m'avais dit que c'était tes dents d'origine. Des dents, ben oui, c'est tes dents d'origine. Ben oui, mais là, écoute, ben là, tu me secoues la tête de gauche à droite. Tu m'avais dit ça. Parce que pour une fois, elle m'avait annoncé que c'est rare, là, calmement. Elle dit, chérie, nous allons faire des galipettes mais simple. Très, très, très simple. Et avant ça, c'était pas ça. On était accrochés. Ah, oh, mon Dieu. En tout cas, ça, c'est ses idées. Et puis là, à un moment donné, on s'est retrouvés nez à nez par terre. Elle s'est relevée, un peu comme un chêne. Et quand les chênes, l'arbre, là, quand un chêne se relève après s'être couché, parce que ça dort, ça, c'est... Vous savez pas, vous autres, vous êtes pas des gens de forêt comme moi. Quand il y a personne qui les regarde, ils s'affaissent. Ils dorment, tu sais. Mais à l'horizontale, pas à la verticale, à l'horizontale, les feuilles, là, se secouent, ça fait comme des spasmes. C'est beau, mais ça fait des forêts bizarres, étranges, bizarres, pas vraiment. C'est depuis l'origine, mais comme vous n'êtes pas habitué de voir ça, quand je vous le raconte, vous direz, c'est impossible. Toutes les forêts du monde, là, les arbres se couchent. Ben oui, pendant 5 minutes. 5 minutes. Mais là, 5 minutes, personne ne doit voir la forêt. Parce que si on yeux de ça, tout le monde va en parler. Et surtout, faut pas sentir, parce que les arbres, hein, captent tout. C'est beaucoup plus fort qu'un humain, un arbre. Ça capte tout. Mais des ondes. C'est pour ça que chez nous, au Québec, aller dans les Laurentides, là, nos arbres sont sublimes. Pourquoi? Simplement, ils captent les ondes de CKRL. CKRL, elle aime bien ça, elle. Se faufiler à travers les feuilles, parce que c'est une âme naturelle. Elle aime ça. Puis en plus, ça se voit, ça s'entend. Ça se voit pas, mais ça s'entend. Elle est ouverte à tout. Fait que là, pendant que l'arbre est couché, 5 minutes, c'est pas long, là, mais eux autres, ils font de la méditation transcendantale. Santal, dis-moi donc, comment ça se fait de la méditation transcendantale? Elle me dit, ben c'est pas compliqué. Mais déjà là, quand tu me dis ça, ça m'a l'air pas mal abrupt comme compréhension. Mais je serai, comme tous les hommes de la Terre, greffé à ta bouche. Alors, vas-y. Fait qu'elle a pas pu. Elle peut pas me raconter quelque chose quand t'as ri tout le temps. Elle dit, arrête de me fixer. Ben ouais, mais tu parles. Peux-tu regarder tes pieds? Ah non, ça me rend toute chose. Toute chose. Thank you. L'intelligence vient du fait que tu connais quelque chose et que tu peux t'en libérer en créant une autre. Voilà le talent. Après 2 jours de délibération, une décision apparut au grand jour. Même s'il était en fin de soirée et que la pizza allait arriver, les membres ramassèrent les morceaux, pas de pizza, mais les morceaux de la salle d'audience. Clémence criait « Liberté et l'errance! Liberté et l'errance! Liberté et l'errance, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Liberté et l'errance! » Elle semblait aussi marteau que celui du juge qui lui frappa 3 coups sur son bureau. T'as peu, c'est pas ça. Elle semblait aussi marteau que celui du juge qui lui frappa 3 coups sur son bureau en bois rond. Tout le monde sentait la décision unanime. La création n'amenait pas large. Ah, mais non, maintenant, on ne peut pas amener large, hein? Elle est étroite. C'est la vérité qui va lancer ce qui va se suivre prochainement dans vos oreilles. C'est des bandes annonces, là, quand tu regardes au cinéma, ils disent prochainement sur vos écrans. À la radio, ça serait bien que l'on utilise ce terme. Vous entendez dans vos oreilles quelque chose? De passablement singulier. Ben, mais là, ça n'a pas de lien là, avec singulier. Ah, je sais, mais le lien est un fil qui reconduit une idée, mais si finement. Oui, mais finement. Faites-vous du tricot, M. Beaudoin, vous? Ben, vous avez des... Ouais, mais vos lacets, ah, OK, vous avez déjà des difficultés. Mais si vous avez des lacets qui ne se lassent pas de se faire lasser, parce qu'on peut, hey, à un moment donné, mets-toi dans le place, à la place du lacet. Il y en aura le bol de te voir les mains là, manipuler quelque chose. Qui, si tu comprends pas le rouage... Lâche, abandonne, parce que le lacet, lui, il va se fâcher. Puis s'il se fâche, il risque de t'étouffer. J'ai déjà vu, moi, 2 paires de souliers. En hiver, là. Au mois de janvier. Le 17 janvier 1988. Il y a 2 bottes d'hiver. Se sont fait dépouiller de leurs lacets par eux-mêmes. Eux-mêmes, là, les lacets ont quitté les bottes. Parce qu'ils savaient... Le gars ne savait pas comment faire. Fait qu'ils les étouffaient, puis eux autres n'aimaient pas ça, là. Quand t'as pas la façon de faire, abandonne. Utilise le velcro. Velcro, c'est pour toi, là. C'est pas parce que t'es pas brillant. C'est parce que t'es pas délicat devant quelque chose qui demande une finesse. Fait que là, les lacets, eux autres, ont quitté les bottes. On descendu les marches. On déwire le gars dans son lit qui dormait à moitié parce qu'il avait ramené la fille du village. Mais là, la fille du village, elle, comme tu es à Québec, le village est quand même un peu loin. Mais il l'a ramené. Mais pas par dans sa voiture. Il l'a ramené par le fil de l'amour. Oh... Là, ça séduit. Là, il y a des filles. Oh, le fil de l'amour. Ça recoule, hein? Vous êtes des tourterelles? OK. Fait que là, non, c'est normal. On peut être des tourtereaux. Des tourterelles, tourtereaux, en tout cas. On peut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute. Donc, les lacets descendent. On va voir le gars. Mais là, tu sens qu'il pourrait avoir un effet de choc. Quand tu dis un effet de choc, là, ça pourrait peut-être amener la mort. Là, c'est dangereux, là. Mais on n'a pas mis l'affiche, là. On vous a pas dit qu'avertissement, les enfants n'ont pas le droit d'écouter. Non, vous avez le droit, les enfants, là. Il n'y aura pas de meurtre. C'est que les lacets s'interrogeaient entre eux, parce qu'il y en a 2, droite-gauche. Ils disaient, ouais, mais s'il ne l'a pas, c'est pas de sa faute. On va lui apprendre. Puis il n'y a rien de mieux qu'un lacet pour apprendre à une personne... Comment utiliser la matière dont elles sont le résultat. T'as-tu senti le tricotage un peu serré vers la fin, hein? Ouais. Non, mais c'est parce que là, il y a une réflexion, là. Je peux pas dire... Je peux pas... L'écriture automatique, c'est simple. Ben, c'est simple. Il faut s'abandonner, déjà là. Pour plusieurs, c'est pas simple de s'abandonner. S'abandonner à qui, à quoi, pourquoi? Bon, dans la création, madame. Simplement dans la création, madame. J'ai pas dit bonhomme, j'ai dit madame. Mais quand je dis madame, ça tombe dans le bonhomme aussi. Bonhomme, madame, là, et, bon, en tout cas, tu peux pas non plus te dire que ce que tu vas écrire ne sera pas intéressant. Mais non. Tout peut être intéressant. Ça dépend de la façon dont tu utilises ta création. Ça, c'est plus compliqué. Mais il y en a un qui a saisi tout ça. C'est de la dentelle. C'est de l'incroyable. C'est de la sonorité qu'il faut se mettre à l'oreille puisque malgré un petit... Oui, un petit ambagrilliero. Et monsieur, ça vient d'où ça? Ben, ça vient de San Francisco. Oh! Ferme les yeux, vois un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotoy. Des gens qui rient, ils ont un petit peu froid. Ces gens de Paris. Sur la plage du Crotoy, en face de Saint-Valery, les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage. Derrière I'm 50s, I'm 50s, dans le radiola, André Verschuren, les enfants soldats, dans les montagnes algériennes, la Picardie est belle, sur la route ravie. En arrond de plein ciel qui rentre à Paris. I'm 50s, I'm 50s, rue Campagne Première, personne le ramasse. Quand il tombe par terre, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Au salon de l'auto sous le dôme, touche pas au Grisby du con. Dans sa vedette Vendôme, Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure. Dans le train Mistral, y a un coiffeur. I'm 50s, I'm 50s. Jean-Claude, Bernard, Marie-Claude, Gérard. Monique, frégate, transfluide, vedette, abeille, Patrick, Peugeot 203, Monique, Alain, Françoise, 4 chevaux, Renault, Roger, Jacqueline. Micheline. Quand c'est l'heure exquise, viens sous la marquise, dans un verre de gin fizz, une légère brise. sur ce moment privilégié, on voyait arriver le soleil. Mais comme la chanson de Jean-Pierre Ferland, le soleil, amen, le soleil, le matin, le midi, c'était pas son cas, excusez-moi, je me suis étouffé parce qu'il y a un rayon de soleil qui m'est rentré dans la gorge. Il faut savoir mettre des filtres. Mais là, moi, des filtres. On filtre tout. Et attention, madame, on va filtrer votre appel. On n'est pas certain de ce qu'il va dire, là. Ça peut être dangereux. On sait pas, là. Madame? Oui. Mettez-vous de l'huile. Filtrez le soleil. Il vous en veut, il veut vous cuire. Il veut peut-être vous amener à la mort. Eh bien, voyons donc, oui. Je m'en vais à Miami, sans amis, toute seule, pour réfléchir sur ma vie. Et puis là, je mets mon petit drap. Hein? Un petit drap. Oui. Exact. Oui. J'avais gagné ça à CKRL. Et puis ce drap-là, on dirait, ce drap-là était voulu pour cette plage-là. Oui, je sentais la concomitance, hein? Le lien intrinsèque. Je pouvais placer. Non, à Gatineau, Non, excusez-moi, là, mais ce petit drap-là à Gatineau, ça fonctionnait pas. L'essayer! Pas rester longtemps. Mais là, hey, c'était sublime. Le soleil me rayonnait. Il y avait des chansons de oui, exactement. De Paul Pechenard. Oui. De Pauline Paris. Ou Paris. Je sais pas si elle aimerait ça si on dirait Paris. Pauline! T'aimes-tu ça si on dit Pauline Paris? Par ici, oui, mais pas par là. OK. On a droit dans la décision. Puis en plus, moi, j'ai pas de boussole. Ah non. Moi, ma boussole est assez. Est éteinte. Ça m'arrive souvent de vouloir la contrôler. Ben non, je sais même pas où est ma gauche, ma droite, le haut, le bas. Ah mon dieu. Il y a des affaires qui se passent dans le monde. Et le pire. C'est que je m'en rends compte. Comment ça, tu dis ça? Mais parce que moi, c'est mon côté dramatique. De Niro m'a déjà enseigné quelque chose d'assez primordial pour mes interprétations radiophoniques. C'est pour ça que mes émissions sont exceptionnelles. Puis que bon. Exceptionnel dans le sens de pas comme les autres, là. Pas exceptionnel dans le sens que... Mais marginal... Oui. Mais pas... non, c'est pas ça, là. C'est dans un autre sens. Puis dis-toi une chose. Puis ça me fait plaisir. C'est pas dans un sens unique. À Lille, sur la grande place, par un jeu subtil de glace, j'avais son profil de face. Elle a glissé l'argent sous la tasse. S'est levée, je l'ai perdu. J'aurais dû. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche. Et puis dans la cour fleurie, le mot qu'elle a dit. Sur sa joue j'ai posé mon index. Elle a glissé sa main sous ma veste. Un peu plus et là, tous les deux, tous les deux. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque. presque toi, presque moi. Ces amoureux dans la cour, c'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. Je t'ai presque écrit ce matin, presque pris mon courage à deux mains. Te dire qu'à Lille, sur la grande place, j'avais ton profil de face. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous, c'est presque l'amour. On va la dire l'histoire, là. On va la dire. Raymond, pas le magnétophone. On va la dire l'histoire, là. Le magnétophone. Magnétophone. Ben, hier, t'avais du fun, là, quand tu t'enregistrais en disant des conneries, là. Mais c'est celui-là. Fait que branche-le. OK? Là, tu vas presser sur enregistrer. Ouais, c'est écrit record, là, mais dans ta tête, c'est enregistrer. Ça vient pas de Québec, c'est un magnéto-là. Là. OK. Tu y vas. Presse des... Oui, il y a deux pitounes. Le rouge et le play. Si tu... Ben, c'est joué. Play, c'est joué, madame. Oui, on sait bien. Fait que... Non, madame, restez calme, vous, là. Bon. On allait bien, là, ensemble. Oui. On sait que play, c'est joué. On va jouer, vous allez voir. Ça va être... Vous allez rire, vous allez pleurer. En tout cas, il y a de l'émotion, OK? Allez, restez. Bon. Prenez. Voilà, la tisane. La tisane de Jeanne, il n'y a rien de mieux. Ça fait que là, toi, là, tu plaises. Tu presses. Tu plaises, oui. Tu plaises pas, mais c'est pas grave. On va plaiser un jour. Faites. Ben oui, tout le monde plaise. Mais il faut que ça soit dans les deux sens, c'est ça le problème. Ça fait que là, toi, tu vas presser sur jouer et enregistrer et j'y vais. J'y vais? OK. Après deux jours de délibération, une décision apparut au grand jour. Les membres ramassèrent leurs morceaux et dans la salle d'audience, Clémence criait « Liberté, l'errance! Liberté, l'errance! Liberté, l'errance! S'il vous plaît! » S'il vous plaît! S'il vous plaît! Liberté, l'errance! Elle semblait aussi marteau que celui du juge qui, lui, frappa trois coups sur son bureau en bois rond. Tout le monde sentait la décision unanime. La création n'en menait pas large. La censure apparaissait si démunie qu'elle prit la poudre d'escampette. Ramène les cheveux vers l'avant en les lavant. Faut que tout soit un peu comme avant. Regarder les photos le soir de mon voyage en Angleterre me met un petit cafard capillaire. Là le train vient s'allonger d'une manière un peu intime, le long du bateau à quai, à Calais maritime. Là c'est pas New Haven, on voyait les falaises. On sautait sur le gangway, à nous les petites anglaises. On se ramène les cheveux vers l'avant en les lavant, pour que tout soit un peu comme avant. « Là, la fille de la maison, Deborah Valentine, sur le piano du salon, jouait du ragtime. Je voyais ses cheveux bouger, balancés par le rag, et ça me faisait un effet vague. On se ramène les cheveux vers l'avant, en les lavant, pour que tout soit un peu comme avant. Là, on mange des fish and chips en disant pussy. Y avait la reine d'Angleterre aussi. Sur celle-là, c'est le jeune Mick sur le quai de la gare qui regarde les disques de l'autre Lascar. Là, je prends l'air malheureux pour voir. Je croyais que j'avais les yeux bleus. Le soir, on se ramène les cheveux vers l'avant, en les lavant, pour que tout soit un peu comme avant. On se ramène les cheveux vers l'avant, en les lavant, pour que tout soit un peu comme avant. J'ai-tu perdu un cheveu, moi, là? Le cheveu du ridicule? Ah, ben ça, madame, là, faites-vous-en pas. C'est régulier. Oui. C'est au niveau capillaire, là, c'est... ouais. Le lundi 25 novembre 2019, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les abats familiaux. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour du groupe Rock and Roll Epsilon. Deuxième partie aujourd'hui. Des êtres extraordinaires, vous le savez depuis déjà une semaine, mais là, voici la preuve qui terminera tout ça avec une grosse larme d'émotion, puisque j'ai adoré voir ce groupe qui m'avait déjà, là, impressionné 5 mois avant, puisque j'avais entendu leur album, et ça me semblait très, très, très puissant, et je n'ai pas été déçu de les voir, de les entendre et de réécouter leur album. Je vous le conseille fortement. Epsilon. Fort et vous fait prendre le crayon, hormis l'actualité? Est-ce que c'est votre vie intime, votre vie... parce qu'il y a très peu. Ouais, mais il y a très peu de... Très peu, ouais, mais un peu plus que les autres sur notre vie intime. Ouais. Mais qui... ouais, je te regarde, tu souris, là, mais c'est parce que en même temps, c'est écrit d'une manière à ce que tout le monde puisse se sentir concerné. Ouais. C'est pas juste moi, comme la chanson du temps, c'est nous, parce que ce que vous avez vécu, on le vit. On a vécu ensemble. Quoi. Exactement, la majorité le vivent aussi, mais autrement. Donc, ça regarde ce que. C'est comme une photo, c'est un flash sur votre. C'est vraiment ça. Est-ce que c'est... Quand on écrit une chanson, c'est vraiment ça, c'est une photo. Un Polaroid. Ouais. Est-ce que c'est beaucoup de travail de l'écriture ou si la musique en demande davantage? La musique arrive-tu avant les mots si c'est les mots qui arrivent alors, à la musique? Alors, c'est ça le truc, c'est que nous, notre là, on est devant quelque chose. Notre manière de procéder, c'est vraiment, on fait la musique. Il n'y a pas de paroles? Si, il y a des paroles. Du yaourt? Non, il n'y a pas souvent du yaourt parce que c'est dur après de remettre des mots. Mais on va piocher dans des artistes qu'on connaît et que... Comme? On prend des... Bon, ça va de Noir Désir, beaucoup. Ouais. Est-ce que vous vous rendez Damien 16, des gens comme ça. Ah, OK. Alors, vous vous revendiquez un peu influencé. Vous voulez vous représentez, vous revendiquez le fait que vous puisez, votre style puise un peu dans 16 et puis... Clairement, ouais. OK. Mais ça vous dérange pas quand on le dit, quand je suis arrivé. Mais j'ai dit comment je peux approcher ça. C'est normal. Mais ça sonne... Vous, mais dans un style déjà établi. Ouais. Ouais. Mais vous avez votre son. Et ce qui vous démarque, c'est les instruments de musique. C'est votre musique. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on peut dire, c'est vraiment pas du Noir Désir, mais ça sonne comme, mais ça s'arrête là après. C'est vite, on s'arrête rapidement là-dessus pour se dire, c'est du Epsilon. C'est du Epsilon. Ouais. Si c'est pas du Noir Désir, c'est du Epsilon. C'est pas du 16, c'est du Epsilon. À cause du fait que vous avez trouvé votre fil conducteur et votre facture et votre signature. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a bien résumé, on a été bercé un peu avec Noir Désir et tout ça. Donc forcément, les années 90, dans notre inconscient. Ouais, ouais. Nous, quand on va écrire... Ils sont de Lyon, je crois, Noir Désir. Bordeaux, ouais, c'est ça. Ouais. Et Bordeaux, après, c'est plus délicat. Aujourd'hui, il ne joue plus. Non, ouais. Lui, il a essayé de... Non, là, il a essayé au Québec, il n'a même plus le droit d'entrer au Québec. C'est fou. Hein. Mais avez-vous aujourd'hui d'autres influences? Avez-vous des groupes que vous suivez, que vous écoutez? Quelle sorte de musique vous... Il y en a plein, en fait. Plutôt anglais ou français? Les deux? Ça dépend, ouais. On a chacun nos... Il y a un groupe qui rassemble pas mal, qui s'appelle Mumford & Sons. Ok, je connais pas. Là, c'est un groupe où aussi ils ont commencé avec la musique un peu trad. Ouais. C'est des Français? Non, c'est anglais, non? Okay. Ils sont anglais, mais alors d'où? Je sais plus. Okay. Anglais, ouais. Ouais. Irlandais. Ça, c'est plus au niveau musical. Quoi. Ou irlandais, mais c'est une influence irlandaise en tout cas, dans les instruments. Mais c'est devenu un groupe énorme, hein. C'est eux qui font les premières parties du tout et tout. C'est quelque chose, ouais. Mais en même temps, lorsqu'on vous écoute, moi j'ai une référence aux Pogs. Avec les instruments de musique des Pogs. Mais c'est vrai, les instruments de musique, c'est la facture aussi. Tu sais, tu dis, j'ai jamais entendu ça dans du rock, dans du ska, et c'est eux qui ont. La cornemuse, ça n'a jamais été joué dans comme une musique rock. On s'imagine pas voir quelqu'un avec un groupe ska ou rock agressif jouer de cet instrument aussi éclectique. Donc, on est comme un peu subjugué. Vous essayez aussi, vous autres, de prendre ces instruments-là et de les réactualiser. Ouais. Mais qu'est-ce qui... En jouant-tu... Surtout la cornemuse, c'est une cornemuse vendienne. Ouais. Et vraiment, il y a un fabricant. Ah, wow! C'est un instrument qui a failli disparaître. Le prix aussi. Sans doute épouvantable, ça, procurer. C'est un instrument qui a failli disparaître. Il y a un mec qui s'est mis à en refaire. Mais c'est pas. En plus, c'est pas facile. Il voulait prolonger ce truc-là. Il a appris tout seul et tout. Après, c'est la même chose que le Big New en Bretagne, ouais, mais c'est qu'après il y a plein de familles. Donc, ouais, mais c'est pas facile à jouer en plus la cornemuse là. Tu sais, la poche, c'est ingérable. C'est ingérable, c'est jamais juste. C'est une purge à jouer, comme on dit. Non, mais la prise de son doit être assez complexe sur scène avec la cornemuse. Pour le coup, il en joue même plus. Ok, ouais, qu'est-ce qu'on fait avec les micros? Pour cette tournée. Pour cette tournée, il en joue plus. Ah non? Ah, il a été trop. La dernière tournée, c'était jamais juste. Alors ça enterre ou on n'entend pas les paroles ou Non, c'est c'était le fait que c'était jamais juste avec la bombarde. Avec la bombarde. Non, la bombarde en plus c'est plus discret. L'autre c'est garroché. L'autre est plus reculé. Quoi que ce que ça s'appelle la veuse en Vendée. Ouais. Petite cornemuse vendéenne, c'est la veuse. C'est pas non plus. C'est pas très fort. Ouais, ça garoche pas tant que ça. Non, c'est plus discret. Ça reste à peu près comme de la bombarde, sauf que c'est joué avec une poche. Ah oui, ok. C'est l'ancêtre de la cornemuse ou si c'est la petite. Ça fait partie de la famille des cornemuses, mais c'est une petite cornemuse qui était de notre région à nous. Quoi. Okay. Notre petit patelin à nous. Quoi. Quand vous enregistrez, et ça c'est important, est-ce que c'est tout le monde ensemble ou si c'est des tracks? Non, c'est des tracks. Ok. Et est-ce que vous travaillez plusieurs fois vos tracks ou une fois que c'est fait jusqu'à temps que ce soit parfait? Ouais, c'est vrai. Et après. Qu'est-ce que la perfection? Est-ce qu'il faut que le groupe accepte les tracks ou si. C'est qu'on est en 2019, si tu veux, faut que ça soit quand même parfait. Ouais. Oui, mais est-ce que. Et après, c'est le réalisateur. Je suis un gros fan des Beatles. Il y a plein d'imperfections. Il y en a plein dans leurs morceaux. À l'époque. Il faut remettre dans le contexte de l'époque et tout. Mais c'est peut-être ça qui donne le son aux Beatles. Alors, oui. C'est ça qui fait l'émotion des Beatles. Aujourd'hui, ça marcherait pas. Enfin, ça marcherait pas. Ils enregistreraient en 2019. McCartney, il sort un album. Son album, il est parfait. Hein. Ouais, c'est certain, mais les machines aussi sont plus ce qu'elles étaient. Donc aujourd'hui, on est obligé de vivre quand même avec notre temps. Est-ce que c'est difficile un groupe de se trouver dans un groupe pour le consensus général? Est-ce qu'il y a des discussions? Parce qu'il y en a beaucoup de groupes qui explosent et qui se séparent à cause de ça. C'est pour ça que aussi l'explosion, ça fait peur aussi. Ouais. Même si on n'en parle jamais, parce que voilà, de toute façon, on n'est pas. Mais l'explosion, c'est typiquement français d'ailleurs, j'ai l'impression. Parce qu'on construit des groupes un peu de toutes pièces, tu vois. Alors souvent, là, en ce moment, c'est des mecs qui sortent de The Voice ou de... On construit un groupe, les groupes, ils montent. Mais ça, c'est du préfabriqué. C'est préfabriqué, mais les groupes, là, ils montent en flèche. Ils vont redescendre aussi. Ça dure 2 ans. Alors nous, il y en a encore plein, des groupes comme ça, mais c'est des groupes qu'on n'entend pas, quoi. Des groupes qui sont... On en voit plein sur des festivals, nous, des groupes comme nous, qui sont toujours là depuis, comme Soldat Louis, tu parlais de Soldat Louis, aujourd'hui, ils n'ont aucune exposition médiatique. Non, c'est vrai. Mais ils en vivent. Et ils sont en tourbus et ils font des festivals. Mais c'est ce qu'ils veulent aussi, peut-être. Là. Ouais. C'est sûr que du succès, tout le monde en veut, mais peut-être que aussi leur plaisir, c'est de se retrouver sur scène et d'avoir du plaisir. C'est le côté festif, hein, tout le monde ensemble. Et ça doit être épuisant aussi à long terme. Les tournées. Ils tournent moins qu'ils ont tourné, ils tournent plus pour le plaisir. Ils ont 60 ans. Ouais, c'est ça. Là. Tu vois, on était encore avec eux il y a un jour, on sera avec eux la semaine prochaine. Ok, alors vous les connaissez un peu? Ouais, un petit peu. Là, ils nous ont invités à boire des coups après leur concert il y a 15 jours. Hein. Ah, c'était sympa, on a réussi à se faire ensemble. Mais est-ce que vous devez parler métier, ça c'est certain? Ou si vous parlez d'autre chose, êtes-vous là pour écouter ce qu'ils ont à dire parce que c'est des vieux de la vieille, comme on dit chez nous? On écoute ce qu'ils ont à dire et puis on parle de tout, de rien. On échange un peu de tout. Là, il y a le guitariste qui nous a filé, il a fait des albums solo, là, il nous a filé ses albums solo, on écoute ça dans le camion. Et puis, c'est super. C'est un album, c'est un mec qui a écrit pour Renaud et tout quand même. Oui. Il s'appelle Renaud de Tressan d'ailleurs, le guitariste de Soldat Louis. Il a écrit pour Renaud, il a écrit pour Daniel Auteuil, il a écrit pour plein de gens. Mais aujourd'hui, il a sorti un album qui est passé. Daniel Auteuil. Ouais, alors moi c'est pareil, on était les premiers. Daniel Auteuil, le comédien. Ouais, le comédien. Ok. Il a fait un album. Il a certainement fait un album. Mais savez-vous que Richard Berry a sorti un album? Oui. Ah non? Oui, c'est Charlie Lee Couture qui est derrière ça. Très bon disque, très bon. Dans les années 90, oui. Il y a des lunettes lumières. On a écouté son album au guitariste de Soldat Louis, mais comme il dit, c'est un album qu'il a sorti, mais qui est passé inaperçu. Thank you. qu'il y a des super bons morceaux. Il y a un morceau notamment qu'on arrête pas de se mettre dans le camion, on fait que de remettre, c'est un truc. Mais c'est fou hein, de savoir ça, qu'il y a des chansons qui ne seront jamais, qui ne se rendront jamais. Bah ouais, mais parce que, alors je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais aujourd'hui, nous, c'est partout. On nous matraque la même chose à longueur de jour, même s'il y a des trucs super. Hein. Comme Skyrock, il y a une chanson qui joue 6 fois dans la même journée parce que... Il y a des trucs géniaux, hein, qu'on adore, hein, même dans le hip-hop et tout. Parce que dans le son, dans la recherche du... Puis voilà, le hip-hop en ce moment, ça le vend en poupe. Ça, c'est la mode absolue, là. C'est la mode, ils ont des producteurs géniaux, des sons géniaux. Parce qu'il y a de l'argent à aller chercher aussi. Il y a de l'argent. Et ils ont cassé les codes aussi, ça je trouve ça super quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a la plupart des mecs qui sont sortis dans l'hip-hop, qui sont sortis tout seuls, grâce aux réseaux sociaux et tout. C'est génial, quoi. C'est vraiment. Et là, avez-vous des concerts à venir? Oui, ben là, vous venez avec Soldat Louis. Là, ce week-end, on joue avec Soldat Louis vendredi soir sur un festival en Bretagne. Ok. Samedi, on joue à un autre festival en Bretagne. Le week-end prochain, on s'en va en Belgique. On fait l'ouverture de Soprano et Jennifer. Ok. Cet été, on a une trentaine de dates, peut-être. Alors, vous êtes pas en vacances, Non, c'est beaucoup de travail. Puis en plus, vous essayez de faire de la promotion. Mais est-ce que vous proposez, en même temps que les concerts? La promotion, c'est hyper dur. Oui, mais est-ce que vous présentez votre disque quand vous faites votre spectacle? Oui. Les disques sont à vendre? Bien sûr. Et est-ce que les gens achètent beaucoup? C'est ça, est-ce que les gens achètent beaucoup? C'est là qu'on vend le disque. On va arriver par exemple là il y a 15 jours quand on était avec Soldat Louis, on va jouer dans l'Est de la France. Bon, l'Est de la France, c'est des gens qui ne connaissent pas forcément. Non. Et bien la plupart qui vont nous on est là pour tout péter, hein, pour dire attention, c'est nos carrés. On est là, oui. Alors c'est là quoi, je pense que le groupe il est dans la meilleure position, c'est quand il est outsider. Quand il y a une expression là, avant Soldat Louis, il faut montrer que... Nous sommes le groupe. Et finalement, les gens, ils ont envie de garder un souvenir de nous, parce que tu vois, il y a des fois où on fait des dates qui sont gratuites pour les gens, ou des dates comme la fête de la musique qu'on a fait là, c'est gratuit pour les gens, dans un patelin. Mais toi, t'es payé quand même, vous êtes payé. Nous, on est payé. Ok, ok. Mais c'est gratuit pour les gens, et les gens, tiens, j'ai envie de garder un souvenir de ce groupe là, ça m'a plu, j'étais avec mes enfants ou n'importe. Je vais garder ça, je vais aller sur les réseaux sociaux, les suivre. C'est une belle carte de visite. Et finalement, on a une base de fans qui est très fidèle, vraiment fidèle. On n'en a pas 50 000. Non, mais ils sont fidèles. Mais ici, tu en touches. Ils sont capables de nous suivre. C'est ça. Alors, vous touchez. C'est mieux vous toucher une minorité que. Notre public, on le fait vraiment petit à petit. Quoi. Ouais. Vous le tricotez aussi. Hein. C'est pas arrivé de ça. Est-ce que vous recevez des courriels de vos textes, des gens qui disent « Ah, mais moi, j'ai adoré ce passage-là, j'ai bien aimé lorsque tu dis ça dans cette chanson-là. » Ça arrive. Des gens qui se retrouvent, comme tu disais tout à l'heure, dans les trucs du Bataclan et tout. Parce qu'il y a plein de visions du Bataclan, de ce qui est arrivé au Bataclan. Il y a une vision, nous, de loin, provinciaux. La majorité des gens, ils ont la même que nous, en fait. Oui. La majorité des gens Mais... qui nous suivent, c'est des gens de province, tout ça. Qu'on a la même vie que nous. Essayez-vous sur scène d'au moins donner la chance aux mots d'être entendus, parce que je suis allé voir un spectacle il n'y a pas si longtemps et on n'entendait pas. Ah oui, on essaye. Et c'était à l'Olympia de Paris, imagine. C'était... Alors nous, c'est souvent le dilemme. Notre ingénieur du son, il serait là, il te le dirait. Okay, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, souvent, il va poser la question alors ce soir, je mixe comment? Je mixe chanson? Ah, il bouge la main? Où je mixe rock and roll quoi. Ouais, rock and roll, c'est toujours un peu le. C'est pas trop. On entend les paroles, on entend la musique. Quoi qu'il arrive, il fait toujours en sorte de bien entendre les paroles, je pense. Okay. Mais bon, dans le. Dans l'énervement, voilà. Mais parfois, il va dire, là, on est à tel endroit, est-ce qu'on mixe vraiment à garrocher comme tu dis. Ou est-ce qu'on mixe familial? Ah oui, mais c'est vrai. Mais au moins, en vous le disant, vous pouvez commenter un peu. Et quand on mixe familial, souvent des dates, par exemple, de fête de la musique gratuite avec un public familial. Ouais. Ça arrive souvent que les commentaires, ça soit ça, comme tu dis. Les paroles. Les paroles, super, on entendait bien. On s'est retrouvé dans ce texte-là ou je ne sais quoi, tu vois. Est-ce que c'est difficile de trouver l'énergie? Il y a des moments où vous êtes épuisé en tournée. Comment vous allez puiser? Comment vous allez chercher la flamme, parce que c'est très vital cet album-là, c'est très... Ouais, mais Je pense qu'à tu vois, il y a juste à regarder les autres avec nous sur scène et ça nous donne la pêche. Parce que ça, enfin moi personnellement, ça m'arrive de monter sur scène où des fois. Crevé, ouais. C'est dur quoi. Parce que j'ai pas bien dormi. Mal dormi, puis le voyage a été difficile. Et puis tu regardes tes collègues et puis. L'énergie revient. Ouais, et puis on a une super intro qui au final nous met bien dedans, je trouve. Ouais. Est-ce que après, ça rentre dedans? On se le dit souvent aussi. Enfin, moi, souvent, je me dis, quand ça va pas comme ça, t'es crevé et tout. Je repense un peu à mon boulot d'avant. Tu vois. Ah ouais, c'est ça. Et j'ai la chance d'être là. Comme on a tous eu un boulot standard avant. Ouais. Je pense qu'on se dit tous. Alors, on va. Ah, mais attends, on est sur scène. C'est notre métier. Et mec, c'est la chance, ouais. Et on a notre AK aussi. Ok, ouais. Ah, qui nous donne vraiment d'énergie. Celui qu'on n'a pas, c'est lui qui le fait. Ah, voilà. On a des techniques, tu vois. Est-ce que vous improvisez beaucoup sur scène ou si c'est carré, c'est déjà préparé? Carré de chez carré. On ne déroge pas. Très peu. Tu vas voir quand on va venir au Québec. Oui. On t'invitera. Oui. On croise les doigts. D'accord, oui. Faut que tu nous aides. Ah ben, je vais vous aider, oui. Le bouche à oreille, je ne suis pas beaucoup, je vous en prie. Mais et ouais, c'est assez carré. Ouais. La part d'improvisation, il y a des petits passages hein, où on peut délirer un peu. Ouais. Ouais. Mais on est très. Mais en étant carré. En fait, pour donner toute l'énergie qu'on a envie de donner, on est obligé d'avoir un cadre vraiment. Tu vois, on sait où on va. Strict. Ouais. On sait où on va. Dans les oreilles, on a pas mal de choses aussi dans nos oreilles, dans nos retours. Quoi. Ouais. On travaille comme ça avec les retours dans les oreilles. Ouais. On a un clic qui nous donne le tempo, tu vois, pour vraiment que le public s'en prenne plein la tronche, entre guillemets. Plein la gueule. Entre guillemets, mais pour vraiment que les morceaux, tu vois, ils ralentissent pas, ils soient toujours. Surtout pour le débit de parole, c'est pratique. Et, ouais. Ça facilite les choses. Ouais. Est-ce qu'après chaque album, vous vous dites, ouais, celui-là est mieux que l'autre, ou si vous trouvez que c'est une évolution normative Chaque album, moi, je le trouve mieux que l'autre, ça c'est sûr. On finit par s'enlacer. Ouais, ben, vous le jouez souvent aussi là. Vous ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on finit quand même. Enfin, moi, je finis par m'enlacer au bout de 2 ans. Mais quelle chanson? Pas que j'en ai marre, mais. Ouais. Mais quelle chanson? J'ai envie d'en faire un autre. Quoi. Ah ben oui, c'est ça, pour se renouveler. Mais quelle chanson? S'enlève en concert pour laisser la place aux nouvelles chansons. Ça c'est dur. Ouais, c'est, ben oui, c'est dur parce qu'on a tous des morceaux qu'on préfère. Ben oui. Est-ce qu'il y a pas les mêmes pour chacun? Okay, il y a quelques petits paramètres aussi, c'est tu vois, le nombre d'écoutes par exemple sur des plateformes de streaming. Par exemple, ça va nous influencer un peu. Ouais. Ah, ok. La réaction, ce qu'on ressent, ce que le public, ce qu'on. Tu vois, on le public, ouais. On voit lesquels morceaux sont. Ouais, souvent les gens vont dire, les gens qui nous suivent vraiment, ils vont dire, pourquoi vous jouez plus celui-là? Et il y a aussi, parce qu'on peut pas non plus, il y a des morceaux qui se ressemblent, c'est normal, au bout ouais, de 5 ouais, albums. Ouais, ouais, ouais. On peut pas non plus mettre non. Que des morceaux qui se ressemblent, non, même ouais. Si on les aime tous. Avoir, ouais, donc. Il y a un album, le tout premier qu'on disait tout à l'heure, par exemple, où il n'y a aucun morceau qui est joué. Non, aucun. Ah, vous l'avez abandonné celui-là. Celui-là est complètement abandonné. Même au niveau de la distribution, on ne le réédite pas. Vous l'avez coupé, là, on l'enlève de la discographie. Ouais. Ça n'a jamais existé. Bah, parce qu'il est c'est, non, c'est pas que ça n'a jamais existé, parce qu'il y a des traces partout. Et puis nous, on les donnera volontiers. Mais correspond plus à... C'est plus le son que vous voulez. C'est plus le son que vous voulez pour le coup. Ouais. C'est vraiment un son à part, le premier. Est-ce que vous écrivez constamment? Est-ce que toi, tu écris constamment ou si tu attends vraiment que l'album... se prépare pour j'attends. Ok, dernière minute. J'attends pour une chose simple, c'est que déjà, si on fait, tu vois, comme on disait tout à l'heure, 40 à 50 morceaux, je veux pas passer mon énergie à écrire 50 textes. Mais pourquoi vous en faites 40 au lieu d'en faire 10 puis de les travailler? Vous voulez avoir plus de choix? Ben parce que... Ben là, c'était un peu un cahier des charges qu'on s'est mis. Ouais. Mais 40-50, les chansons sont pas finies. C'est juste un début, une bride. Ouais, c'est ça. Ça va être à savoir, est-ce que la musique va bien embarquer avec? Est-ce voilà. Que... Puis si est-ce ça, que ça vous plaît? Est-ce que c'est la direction? Ça va être coupé en refrain, par exemple. Puis des fois, voilà, ouais, ça va dire, ouais, non, c'est déjà vu, on l'a déjà fait. Ouais. Thank you. sombre couloir, je glisse lentement. Je n'ai aucun espoir sous les affres du temps. Ici ma vie s'arrête dans un dernier tourment. Une dernière cigarette me pousse vers le néant. La lumière tamisée se pointe à l'horizon. Je vois ma vie défiler, je me fais plus d'illusions. Le chemin se dessine, je sens venir le froid. Je vais franchir la cime pour une dernière fois. Une morsure d'acide, le venin se répand dans mon corps qui se vide de tout ressentiment. Sous les battements de cœur qui lutte comme il peut, les regrets et la peur m'envahissent peu à peu. C'est mon dernier combat, je dois sauver mon âme comme un acte de foi pour éviter les flammes. Je sens mon corps si là, il faut que je m'en aille. Je laisse tomber mes bras dans une dernière salle. Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Terre. rien qu'un outil sans conscience. On voudrait me faire croire que je gère ma vie. Pourtant une ombre noire et contrôle mes envies. Puisqu'on attend de moi que je sois un soldat qui ne rejoint pas sous leur plafond de verre. À terre. Le cimetière se plaint de grands soirs faméliques qui vident les humains de leur sève utopique. Même lors des républiques, les vessies, les lanternes n'entendent pas les suppliques de tous ces cœurs en berne. Ah ouais, on se remet beaucoup en question. Est-ce que vous faites appel à des amis pour vous aiguiller un peu parce que vous êtes tellement là devant que vous ne voyez pas... Ouais, bah, si je devais nous faire un reproche, c'est ça, c'est d'avoir peut-être des fois un peu trop la tête dans le guidon. C'est pour ça que là, ce coup-là, on a voulu travailler avec un réalisateur à qui on confie notre bébé un peu. Ouais, est-ce que tu vois le réalisateur vous lui remettez les matrices et c'est lui qui va... Il s'est pas privé de couper des morceaux, d'enlever des bouts. Tu vois, il y a même des Que ça vous a plu au début ou c'est de la vérité? C'est qu'il faut laisser un peu le... Le travail se faire. Lui, il a rêvé avec une oreille fraîche. Ce morceau-là, il est du pas trop long. Pourquoi il y a un pont ici? Alors nous, ça nous fait chier. Mais bon... Mais le résultat est là aussi. Ouais, c'est ça. Et puis au final, les jours passent et puis nous on s'habitue à la nouvelle version. Puis après, ça y est. Après ça, c'est solide, c'est là, c'est ancré, c'est enraciné, on le prend, puis on le garde. Et puis il a une oreille neuve. Voilà. Donc vous êtes fier de ce qu'il a fait comme. On est content, très content. Puis éventuellement, vous allez faire des concerts, vous allez en faire 30, là. Durant toutes les 30 concerts à l'été, en 2 mois. Bah, je sais pas combien exactement, j'ai 25, dit 30, mais ouais. 25-30. Ah, mais c'est quand même bien, c'est quand même. On joue beaucoup moins l'hiver. Ouais. Ah. Nous, c'est très. Saison, c'est estival. Ah, c'est vraiment mai, juin, juillet, août, septembre. Puis qu'est-ce que vous faites Et mars après, souvent. On part en mars pour faire une tournée des petites salles, des petits clubs. Mais le groupe, quand vous travaillez pas, est-ce que vous restez là à pratiquer ou vous vous voyez pas? On travaille toujours. Ouais, voilà. Alors, c'est toutes les périodes creuses. C'est compo. Clip, enfin tous ces trucs là. Il y a aussi le chanteur qui démarche aussi pas mal les festivals, enfin pour les concerts. Ouais, le chanteur s'est associé avec notre tourneur français, il démarche comme... Voilà, c'est ça. Alors il y a beaucoup de personnes qui se concentrent sur votre disque, sur votre groupe. Mais c'est quand même positif parce que au moins ça commence. Est-ce que vous sentez que l'ouverture se fait Ouais. Mais c'est tout, c'est petit à petit. Ouais, petit à petit. Tous les ans un petit peu mieux. Ouais. Alors c'est quand même très positif. C'est pour ça que vous continuez et que vous ne voulez pas abandonner parce que vous savez qu'il y a quelque chose à faire avec ça puis que les gens sont réceptifs. Il y a toujours une flamme. Il y a toujours, c'est ça. Ouais, et puis, tu vois le jour où tu te lèves et puis tu te dis ouais, j'ai pas envie de. composer. J'ai pas envie tout simplement de faire quelque chose, bah là c'est, je pense que ça sera mort. C'est terminé, ouais. Parce que là tu vois, ça fait 4 mois qu'il est sorti, mais je pense pas nous comme moi. J'ai envie d'en avoir un autre là. Ah oui, déjà. Ah ouais. Mais d'aller sur scène aussi. On a même recommencé à faire d'aller des sur scène, mais on a déjà commencé à faire des compos. Déjà. Ah ouais. Fait que vous avez hâte de... Tu sais qu'il faut en faire 50 pour en avoir 10. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Un truc aussi, c'est... Ça peut prendre 2 ans aussi, là. C'est pas parce que commence à travailler... Nous, que ça nous prend 2 ans. Ah oui. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que... Tu vois, le chanteur, à juste titre, il remet souvent plein de choses en question aussi. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, c'est bien de sortir un disque? Ouais, c'est ça, là. Tu vois? Moi, je crois que oui, là. Ou est-ce qu'on sortirait pas, de temps en temps, un morceau, un single, pour un faire... Un titre. Pour le public, pour tu vois, qu'on... Se faire oublier, pour pas se faire oublier. Voilà. Toujours avoir une actu. Puis peut-être, au bout du compte, le titre, chaque titre, le rassembler dans un album. Voilà. Donner, c'est possible que cette année, ben, on... Alors, peut-être pas un titre tous les mois ou un truc, parce que des fois, c'est chiant aussi. Ah oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, puis c'est le public s'enlace aussi. Puis là, en même temps, aller peut-être, avoir... pourquoi pas, cette année, tu veux faire un cadeau de Noël ou sortir un morceau. Ça peut être... Donc, on lâche pas la carte, on continue de composer. De toute façon, pour qu'un groupe, il... Parce qu'avec ce groupe-là, ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours une émulation. Ouais. Toujours un mec, tiens, j'ai composé un morceau hier. Ouais, chacun arrive avec son grain de sel, puis son énergie, puis son idée. Et ça, c'est ça qui est super. Sinon, le groupe, il ne marcherait pas. S'il n'y avait qu'une tête, une tête pensante, tu vois, qui gère tout. Là, il y a toujours une émulation. Là, le chanteur, il va dire, tiens, j'ai des idées de clip, il va lancer ça. Antonin, il va dire, tiens, j'ai des idées de paroles, on va lancer ça. J'ai une idée de musique, j'ai une idée de ceci, cela. Mais est-ce qu'il y a un consensus pour certaines pièces musicales là, qui sont aimées de tous du groupe en général, ou si vous les aimez à leur mesure? Non, il y a un consensus. Hein. Sur là, combien de titres? Là, les 10 morceaux, c'est tu peux demander aux 6 membres du groupe. Oui. Ils sont aimés par les 6 membres du groupe. Tous les titres ici. Ouais. Ok. Il n'y a pas un petit bébé chéri, tout le monde. Après, il y a des titres qui ressortent plus. Okay. Ou... On se dit, ça c'est un tube, tu sais, dans notre petite province, on se dit, putain là, on tient un tube. Mais non, mais c'est vrai, quand tu écoutes, c'est de la musique qui fonctionne bien, qui est accessible, qui... Ah ben, ouais, on s'efforce de le faire aussi, ça. Après, on revient toujours à ce problème-là, qu'on n'est pas à la mode. Hein. Donc, et la mode, à Paris, c'est... Il y a 3 mecs qui font la mode et... Oh ouais, ouais, mais encore là, il faut être là pour persévérer, parce que vraiment, là... Parce qu'après, on pourrait se dire, tiens, on va faire un titre à la mode, avec du kick sur tous les temps, avec des sons d'aujourd'hui, et puis mais on se perdrait un peu... C'est ça, mais ce serait pas vous, donc... Ce serait pas nous. On le sentirait rapidement, puis les gens se lasseraient, parce qu'on s'attend aussi à un son quand on va vous voir. On sait ce que vous allez apporter, et surtout le bouche-à-oreille, quand des amis amènent d'autres amis pour voir, ça arrive très souvent, ça. Ah ben oui, c'est ça, le bouche-à-oreille. Tu tiens vraiment le truc. Mmh. Il n'y a pas un concert qu'on fait où il y a des gens qui arrivent en disant, tiens, j'ai emmené d'autres amis pour leur faire voir ce qu'on avait vu. Eh oui, très souvent, ça arrive. Puis c'est flatteur quand même, c'est flatteur. Parce qu'eux vont en parler. En plus, c'est intéressant de voir, aujourd'hui, c'est, la mode, c'est de jouer tout seul, tu vois, Eddie Depreto, des gens comme ça qui marchent. Ils sont 2 sur scène. Et nous, on est 6 sur scène. Ça coûte cher. On est 6 et plus 2 techniciens tout le temps. Sur la route, on est 8 sur la route. 8 à payer. Mais par contre, tu viens nous voir, t'as 6 mecs sur scène. Oui. T'en as pour ton argent. Ouais, ça garoche. À 8, là, il y a les 6 qui sont là. Il y a 6 mecs sur scène et 2 mecs qui sont... C'est ça, mais les 6 travaillent fort là, pour donner du jus, pour rendre bien les chansons. Est-ce qu'il y a des... On va peut-être s'écouter là-dessus. Est-ce qu'il y a des chansons qui ne tiennent plus, là tu m'as parlé du premier album, mais dans les autres, qui ne tiennent plus, que vous n'aimez plus, vous avez tellement joué que ça commence à s'user, puis vous n'avez plus de plaisir, ou il y a toujours cette flamme-là qui... Il y a toujours des morceaux, on sait très bien qu'on les jouera jusqu'au bout. Ok, parce que ça marche. Parce que ça marche, même si on en a marre. On sait que les gens ils veulent l'entendre. Oui, des petits succès à notre petite échelle, mais des petits succès, des petits morceaux. Ouais, mais même si vous en avez ras-le-bol pour faire plaisir au public, parce que vous êtes là pour le public, ouais, vous êtes là pour nous. On est comme Soldat Louis qui joue Moi, je serais plus capable. On les remodifie en répète avant la tournée, comme ça, nous, ça nous permet d'avaler la pilule. Ouais, c'est ça, c'est moins compliqué. Ouais, ça nous donne une petite version nouvelle. Donc, Est-ce que le groupe sur scène a toujours eu le même son ou si il y a eu à un moment donné où ça s'est fixé? Oui. Wow. Disons que ça s'est amélioré parce que nous, on s'est tous améliorés individuellement, tu vois. En jouant ensemble. Dans l'ombre au milieu des nuages se croisent toutes nos vies privées. Au gré des arrêts sur image, de la vidéo qu'on a laissée. Le reflet d'un écran cassé, d'une génération connectée. Dans la froideur de sa spirale, on est toujours un welcome sur la toile. Welcome sur la toile. Welcome sur la toile. Parce que là dernièrement, ça fait maintenant, ça doit faire 3-4 ans qu'il est avec nous. On a un nouvel ingénieur du son, okay, qui travaille très très bien. Est-ce que ça donne une nouvelle facture ou si vous avez changé? Ouais, ça ouais. Il nous apporte une autre encore... sensibilité. Ouais, c'est ça. Il nous apporte vraiment encore un truc sur scène qui est intéressant. Et puis il est très très bon. Mais vous pouvez pas jouer avec moins de personnes si, exemple, vous faites des salles plus petites ou si vous voulez vraiment monter sur scène à 6 avec les deux techniciens. Là, c'est... Pour tout ce qui est musical, ouais, on est à 6, on restera à 6, sauf pour faire des petits shows, ce qu'on appelle les showcases, okay, petites promos. Ouais. Mais sinon, ouais, on sera toujours 6 sur scène. Et les techniciens, on est... Deux. Ouais, on les a toujours avec nous. Sauf vraiment quand on fait des tournées des petits clubs, où là, on n'emmène pas notre lighteux ou à l'étranger, quand on va à l'étranger. Souvent, c'est notre... Vous prenez celui qui est là, non? Bah ouais, c'est ça. Ah ouais, ça coûte moins cher. Parce que voilà, surtout la Chine, c'est... Ouais, c'est la Chine, on emmène toujours un technicien. OK. Parce que c'est très compliqué techniquement là-bas. Donc il nous faut une personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la fine pointe, hein? Oui, ils ont tout le matos qu'il faut. Mais... Est-ce que vous hallucinez quand vous voyez les consoles là-bas? Parce que c'est vraiment là que naît les consoles. Non, c'est les mêmes que chez nous. Ok, ah ouais? Ok. On trouve les mêmes choses. Je pensais que c'était plus raffiné, moi, parce que ça vient de. Hein, c'est fabriqué là. Ouais, hein, c'est la même chose. Ok. Et lorsque tu vas ailleurs, est-ce que ça te surprend de l'accueil des gens quand t'es. Ouais, de un, tu chantes pas dans leur langue. De deux, ils connaissent pas. De trois, c'est tout nouveau. Ben ouais, c'est toujours surprenant là, de voir leur réaction. Mais jouez-vous comme si vous chantiez en France ou si vous approchez ça autrement? Approchez-vous le spectacle autrement parce qu'ils connaissent absolument rien, connaissent pas la langue? On fait ce qu'on sait faire. Et chaque fois, on essaye d'apprendre les mots du pays et puis... Ok. Pour avoir l'air cool, pour avoir l'air... pour avoir l'air cool. Mais... ce qui aide là, quand vous êtes ailleurs dans une autre langue, c'est que sur scène, vous regardez entre vous, donc vous automotivez. Vous essayez de garder le fil conducteur parce que c'est pas le public. Le public est là puis écoute, mais il sait pas à quoi s'attendre. Donc c'est entre vous, et là vous concentrez sur votre morceau, puis advienne que pourra. Est-ce que c'est encore comme ça? Ils s'applaudissent à la fin, hein? Est-ce qu'ils applaudissent après chaque pièce ou c'est à la fin? Parce que... Vous voulez dire en Chine? Ah, oui. Ah, en Chine, non, c'est à la fin de chaque morceau. OK, parce qu'au Japon, je sais pas, on a joué. Oui, ben c'est ça, au Japon... ils applaudissent qu'à la fin. Ben, Diane Dufresne a été invitée. Plusieurs autres, j'ai parlé à Kent, l'ancien groupe. Ouais. Et il me dit, ben là, t'arrives là, tu fais ta première chanson, pas d'applaudissements, tu dis, oh merde, on va ramer pour le reste des chansons. Et là, l'autre chanson, 18e chanson, pas de, là, le gars, hein, à la fin des 20 chansons. Mais qu'à la fin. Exactement, les gens, parce que pour le respect du musicien. Ah, ouais. Mais quand tu le sais pas, mais là, ça a changé parce que souvent, on avertit les gens. Faites-vous en pas, c'est juste à la fin. Hein. C'est pas parce que vous êtes pas bon, c'est pas parce que vous l'avez pas, c'est pas parce que vous êtes pas dans le tempo. En Chine, c'est pas du tout ça. OK. Mais c'est plus rassurant. Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde que vous aimez dû au fait que le son que vous faites, c'est le son qu'eux écoutent? Vous êtes dans leur style. Parce que l'hip-hop, c'est. Oui, on peut dire que c'est dans les. C'est au Québec aussi, c'est le hip-hop, en France, mais c'est pas non plus mondial. Donc, est-ce qu'il y a des endroits dans le monde qui demeurent rock? Il y a certainement un endroit dans le monde où... Mais vous n'êtes jamais allé là. Non, mais je pense Québec. Québec, oui, ben oui, Québec, c'est certain. Mais comme je vous dis, le hip-hop fonctionne bien au Québec, mais c'est aussi la chanson française à texte. Ouais. Et quand je dis à texte, c'est pas Jacques Brel, là. C'est vraiment, tu peux être rock. Noir Désir a bien marché chez nous au Québec. Très, très, très, très, très bien. Saez a jamais percé. Parce qu'il s'est jamais rendu. Ah ouais? Ben non. Oh, non il est jamais venu. Non, c'est ça, il s'est jamais rendu au Québec. Ouais. Mais il est pas connu. Tu demandes à. Ah, c'est non. Oh, non. Moi, je le connais, c'est sûr, là. Ouais, parce que... Ben c'est Damien Saez, c'est ça, on parle de Marc. Ouais, mais c'est un type qui est exceptionnel. Mais il faut dire aussi parce que je fais de la radio. On reçoit des disques, donc. Mais je le connais depuis le début, là. Tu sais, il y a plein de groupes qui sont archi connus ici, qui sont méconnus chez nous. Ah oui. Faut que tu l'envies, Damien Saez, là. Oui, il vient après 14 ans, non? Oui, non, mais parce qu'il y a des gens qui sont inaccessibles, comme je disais à mon ami tout à l'heure. Il y a des gens qui veulent pas. Comme je frappe à la porte, quand on m'ouvre, j'entre, si on m'ouvre pas, je vais ailleurs. Hein? On va pas rester à la porte à attendre le... Bien sûr. Alors, je vous remercie infiniment d'être passé. C'est nous qui te remercions. Et là, ce qu'on va faire... Parce que nous, on était très touchés, je te dis, de recevoir ton message. Ça fait plaisir. Parce qu'on ne se doutait pas que tu avais écouté l'album ou ben oui. Que la radio du ben Québec oui. avait écouté l'album. Ben oui. Parce que, alors, on a eu un truc au Canada une fois. Alors, ça, c'est pareil, c'est hyper drôle. Est-ce que c'est au Québec ou au Canada? Où? Est-ce que c'est dans la famille? C'est à Montréal. Ok, c'est Québec. Okay. C'est des gens qui sont venus nous voir à un concert à Paris. Ok. Et qui nous ont dit on est venus parce qu'on a entendu Epsilon au feu d'artifice du 14 juillet à Montréal. Hein? Ah bon? Ah ouais? Alors non, ils ont envoyé la vidéo. On était vraiment. On dit c'est pas possible, c'est pas mais, nous. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est pas notre musique, c'est impossible. Ils ont fait jouer une chanson. En même temps que le feu d'artifice, et c'était un morceau requiem. Ok, je comprends, c'était la chorégraphie du feu d'artifice. Ouais. Et vous le saviez pas, on vous a pas appelé, mais on vous a pas appelé. Non. Et nous, on leur a dit à ces gens, c'est pas possible que ça soit nous. Personne nous a contactés au Canada, ça m'étonne et tout. Ouais. Ils nous ont envoyé la vidéo du feu d'artifice avec notre morceau dessus. Étiez-vous ému? Ah, oui. Ouais, ça c'est pas mal, ça hein? Fait de fou. Mais putain, déjà, non, c'est ça, en mais, juillet là-bas, quoi. Mais comment vous... On était fous. Ben oui. Mais en même temps, on peut pas savoir que ça s'exporte sans le savoir. Ben oui. Tu sais, c'est comme un livre, tu édites ton livre, tu sais plus où ça en va après. Ben non, ah, c'est ça. Alors vous envoyez ça, c'est comme gens, une bouteille à la mer, vous envoyez ça et les gens l'accueillent ou l'accueillent pas. Ben, c'est ça. Et bien voilà, mais c'est ça la musique. Ben, et c'est ce qui crée aussi le côté humaniste de votre groupe, parce que l'écriture l'est beaucoup, l'est énormément, et ça touche beaucoup de personnes. En tout cas, moi, ça m'a touché. Alors si ça me touche à moi, ça peut toucher tout le monde. Merci. Voilà. Si tu le dis. Ben, parce que l'effervescence, non, mais l'effervescence de la langue française, puis surtout que c'est une langue qui est un peu massacré, qui est oublié, puis pour plusieurs raisons. Et quand on entend du bon matériel francophone, ben on s'y rattache. Toi, t'es québécois, pardon? Toi, t'es québécois? Oui. Tu vis là-bas? Je vis à Québec. Tu viens à Paris? À chaque année, à chaque moment, au même moment. Dernier samedi du mois de juin, et je pars le deuxième lundi du mois de juillet. Tu viens toujours. Et je reste 9 jours. Et je reste 9 jours. La radio. Ce n'est rien. Un bonheur qui s'en va. Un beau jour il revient. Les chagrins que l'on a dans le cœur. Un amour que l'on perd au printemps qui revient. Aide-moi si tu peux, atténue les blessures qu'on porte tous les deux, cachées sous nos armures. Cette étrange chaleur du soleil qui décline a fait valser nos cœurs vers le fond de l'abîme. Et la mélancolie dans le creux de nos âmes, au mutisme des nuits, laisse couler les larmes. Dis-moi quel est le chemin pour attraper ta main. Je t'en supplie, c'est plus le paradis, c'est plus le paradis.